الحمد لله القوي المتين العزيز الحكيم العليم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه الداعي إلى الله الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا إلى السوق وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء بنت عبد الله أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه أي أن تأخره عن صلاة الصبح كان بسبب قيامه لصلاة الليل فغلبته عينه فنام فلم يدرك صلاة الصبح فقال عمر رضي الله تعالى عنه لن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم الليلة أيها المؤمنون عباد الله تأملوا رعاكم الله هذا النصح البالغ والفقه العظيم أما النصح عباد الله بتفقده رضي الله تعالى عنه للناس في هذه الصلاة وملاحظته لهم وتتبعه لمن يتأخر عنها نصحا وتحذيرا ويصوته رضي الله تعالى عنه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا قال أشاهد فلان؟ قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتيتموهما ولو حبوا على الركاب أما الفقه العظيم عباد الله ففي كلمة عمر رضي الله تعالى عنه تنبيها لمكانة هذه الفريضة العظيمة ومنزلتها العلية حيث قال لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة وشاهد ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله serviteur d'Allah, chers croyants, chers croyantes, on va profiter pendant ce temps pour se faire un rappel très important, à savoir pendant les périodes de vacances, il faut profiter de ce temps qui est un bienfait qu'Allah Jalla wa Ala nous a octroyé, ce temps qu'on a pour continuer notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les vacances, pendant les vacances, il faut continuer les révisions et il faut prendre son temps pour cheminer toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a un grand rappel qu'on peut voir, une histoire qui nous est rapportée dans le Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik rapporte d'après Ibn Shihab, d'après Abu Bakr ibn Sulayman, ibn Abi Hathma, qu'un jour, le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, cherchait après Sulayman ibn Abi Hathma pendant la prière de l'aube, la prière du matin. Il cherchait après lui car il ne l'a pas vu. Alors, un beau matin, Omar ibn al-Khattab s'est rendu au marché, et pour se rendre au marché, alors, il passa devant la maison de Suleyman, de cet homme. Car, lui, Suleyman, sa maison était entre le marché et la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était à Médine. C'était à Médine, dans la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa demeure se trouvait donc entre eux, Bayna Souqi wa Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre le marché et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an passa devant sa demeure, il rencontra sa mère. Alors il lui demanda au sujet de son fils, où est-ce qu'il était, car il ne l'a pas vu à la prière de l'aube, du matin. Alors sa mère lui a dit, il s'est réveillé en pleine nuit et il a prié. Il a fait ce qu'on appelle la prière nocturne. Il a prié la nuit, mais ensuite, le sommeil l'a emporté, l'a vaincu. Le sommeil l'a vaincu, c'est-à-dire il s'est endormi. Et donc ensuite, il n'a pas pu assister à la prière du matin de l'aube avec Al-Jamara. Alors Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala an, a dit une célèbre parole. Une célèbre parole, il a dit, « Je préfère prier la prière de l'aube du matin en groupe que veiller toute la nuit en prière. » Que veiller toute la nuit en prière. Et en cela, on voit que les savants nous disent qu'il y a un grand rappel à travers cette histoire. Et ce modèle-là, Omar ibn al-Khattab l'a appris auprès du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque dans un récit que nous rapporte Abu Daoud, un récit d'après le compagnon Ubay ibn Ka'b, un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié la prière du matin, la prière de l'aube, avec ses compagnons. Il a dit, est-ce qu'un tel était présent? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez vu un tel? Est-ce qu'un tel était présent? Ils ont dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna hataini salataini athqalu salawat, inna hataini salataini athqalu salawat ala al-munafiqin. Ces deux prières sont les prières les plus lourdes pour les hypocrites, c'est-à-dire la prière du crépuscule, la prière du Isha, et la prière de l'aube, la prière du matin. Et là le prophète dit, law ta'lamuna ma fihima. Si vous saviez la récompense qu'il y a dans la prière du matin, la prière de l'aube, alors vous y rendrez en rampant. Vous irez en rampant. Le prophète a dit, si vous saviez véritablement la récompense qu'il y a dans l'observation et l'observance de cette prière, la prière du matin. Et pour terminer, je voudrais être court pour cause de l'épidémie qui se propage au sein de la société et des gens. Donc je vais être très court et bref. Une dernière histoire qui nous est rapportée aussi de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Il nous est rapporté une autre histoire immense qu'a rapporté le rapporteur, le compilateur de récits, Al-Hakim dans son Mustadrak. Il dit d'après Abdallah ibn Ja'far, anna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an ata ila manzili Sa'id ibn Yarbu' ya'uduhu fi faqdihi li basarih. Ya'uduhu fi faqdihi li basarih. Il nous est rapporté une histoire dans le Mustadrak de l'imam Hakim, qu'un jour, Omar ibn al-Khattab, et c'est rapporté de Abdallah ibn Ja'far, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, que l'imam Omar, un jour, atteint la manzil Saïd ibn Yarbu'. Il s'est rendu visiter un homme qui s'appelait Saïd ibn Yarbu'. Il l'a visité, pourquoi? Parce que cet homme avait perdu la vue. فَقَدَ بَصَرَهُ فَأَتَاهُ عَمَرْ فِي مَنْزِلِي يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ عَمَرْ. Alors Omar, lorsqu'il l'a visité, lui a dit, surtout ne délaisse pas la prière du vendredi et la prière du matin. Salat al-Subh. Ou plutôt, il lui a dit, surtout, la tada'i al-Jumu'ah, wa la salat fi masjid Rasulillah sallallahu alayhi. Ou plutôt, il lui a dit, ne délaisse pas la prière du vendredi et ne délaisse pas la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tada'i al-Jumu'ah wa la salat fi masjid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ar-rajul, laysa li qa'id. Mais l'homme a dit à Omar, mais je n'ai personne pour m'accompagner. Alors Omar, radiallahu ta'ala an, قال له, نحن نبعث إليك بقائد. Nous allons mettre à ton service une personne qui pourra t'accompagner. Nous allons mettre à ton service une personne qui pourra t'accompagner. فأرسل له بغلام من السبي. Et donc, ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, lui a envoyé un jeune garçon pour pouvoir l'aider, car il ne voyait pas, il était aveugle, pour pouvoir l'accompagner. Donc je vous laisse méditer cette histoire. Et ça, c'est une personne, il est rapporté dans l'histoire, les grands théologiens musulmans, lorsqu'ils ont fait l'explication de ce récit, ils ont dit cet homme qui s'appelait Saïd ibn Yarbu', que Omar justement a visité, il y a de nombreux enseignements à tirer. Regardez, Omar, c'était le prince des croyants. et il rendait visite aux gens, aux compagnons, à ses, on va dire, ses sujets, les gens qui vivaient sous son règne. Et il est rapporté, les grands savants nous rapportent dans cette histoire, que cet homme avait dépassé la centaine d'années. Regardez l'importance que les gens, à l'époque, dans les premiers siècles, accordaient à cette prière du matin, salat al-subh. Fakayfa bishabab. Quel est le cas des jeunes? On voit beaucoup de jeunes qui assistent aux certaines prières, mais salat al-subh, aynahum. Où sont-ils? La prière de matin, où sont-ils? Et ensuite, ça débat sur des sujets importants de la religion, mais salat al-subh, la prière du matin, ils n'arrivent pas à l'accomplir. En groupe, Maha al-Jama'a. À savoir, comme on a appris, prier la prière du Isha en groupe, c'est comme si on a prié la moitié de la nuit. Et prier Salat al-Fajr en groupe, c'est comme si on a prié toute la nuit, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit. Ibadallah, al-amel. Serviteur d'Allah. Ce qui est important, c'est de mettre en application sa connaissance. Mais le fait de parler, de beaucoup polémiquer, de beaucoup bavarder, sans mettre en application, on perd toute crédibilité. C'est pour cela que le comportement est important. Les bonnes mœurs sont importantes. La bonne moralité est très importante. Et la mise en pratique de ces prières aussi est très importante. أقول قولي هذا فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.